Qu'il adore, qui lui obéit, bien que corrompue par Satan, elle n'appelle plus Satan père. L'humanité connaît les visages de Satan. Avec la sainteté, elle reconnaît la grandeur de Dieu et la méchanceté de Satan. Une telle humanité ne servira plus, n'adorera plus Satan, car elle a vraiment été gagnée par Dieu. Ceci est le sens de la gestion de l'humanité par Dieu. Actuelle de Dieu, l'humanité est l'objet de la corruption de Satan et aussi l'objet du salut de Dieu, l'objet du combat entre Dieu et Satan. Pendant que Dieu réalise son œuvre, il reprend l'homme des mains de Satan. Ainsi l'homme se rapproche de Dieu, se rapproche de Dieu. Elle connaît la laideur et comment cela contraste avec la sainteté. Chanceté de Satan. Une telle humanité ne servira plus, n'adorera plus Satan, car elle a vraiment été gagnée par Dieu. Ceci est le sens de la gestion de l'humanité par Dieu. Avec la sainteté, elle reconnaît la grandeur de Dieu et la méchanceté de Satan. Une telle humanité ne servira plus, n'adorera plus Satan, car elle a vraiment été gagnée par Dieu. Ceci est le sens de la gestion de l'humanité par Dieu.